in right out. Creating problems in town. Ça bougeait beaucoup et, par exemple, moi, j'ai fait les études des beaux-arts. Alors, à mon avis, j'étais... Mais à mon avis, c'est pas à mon avis, c'était une réalité. C'était rare de trouver quelqu'un de la classe ouvrière chez les beaux-arts, mmh. avec les bourses et tout ça. Et c'était grâce au Parti socialiste à l'époque... En fait, maintenant, on parle des années 60, mais quand même... et donc, j'ai fait les études des beaux-arts dans les années 60 jusqu'à 70. Night boat to Cairo. batte à l'hypo, batte, batte du reggae. L'hypo, batte à l'hypo, batte, batte du reggae. Listen to the music, shuffle up your feet. Listen to the music of the TV. L'hypo, batte à l'hypo, batte, batte du reggae. Remember that band, that guy, that really lame guy who used to sing and he was Et un petit peu avec les adultes aussi, mais surtout le système anglais, c'est pas pareil que l'enfance. Collège et lycée, c'est mélangé. This is the Las Vegas story. The story of a couple of great... Yeah. jacket, but I'm walking all of the time. I saw the man take wind blows, ice from a dying creek. I see no glory, and when will we be free? J'ai fait ça pendant 6 ans et après j'avais une sorte de burn-out, je crois, on dirait maintenant. j'avais envie de faire autre chose. J'étais trop jeune pour m'intéresser dans l'éducation nationale.

pendant longtemps aussi. Je travaillais dans une grande boîte en Angleterre comme soudeur. Et c'était un petit peu un retour à mes sources. You're always right. Et c'était un petit peu... je crois qu'en fait, je cherchais... il faut parler trop loin dans la psychologie, mais je crois que je cherchais un peu les racines de ma famille. Mon père, il travaillait dans une fonderie. Oh, stehst du da, wie in Stücke zerlegt und wieder zusammengesetzt. Erzählst von göttlichen Gesetzen, Gesetze gegen dich, du gehst gegen dich. Après des centaines de millions de milles, les notes familières de Happy Birthday venaient mourir sur les écrans du tableau de contrôle. La famille Poole, groupée consciencieusement autour du gâteau, se fit brusquement silencieuse, Mr. Poole déclara alors d'un ton bourru, « Eh bien, voilà, Frank, je ne trouve plus rien d'autre à te dire pour l'instant. Toutes nos pensées sont avec toi, je tiens à ce que tu le saches. Nous te souhaitons le plus heureux des anniversaires. » Thank you.